Chapitre 64e, le cycliste à surprise. Toutefois, avant d'enfourcher sa machine, le cycliste, ou plutôt la comtesse, selon les recommandations du maître, alla consulter l'homme de garde dans la loge de l'huissier, lui soumit la course à faire. C'était une bonne précaution pour ne pas laisser tomber le cycliste dans un piège. L'homme de garde, qui à d'autres heures jouait au Stella Palace le rôle de père d'une jeune fille, laquelle était le cycliste, prit le billet doux, s'empressa de l'ouvrir avec cette grande habileté que donne une longue pratique. Il lut le message que, naturellement, Hermann, se doutant de la chose en maison allemande, avait rédigé en conséquence. Le préposé au téléphone déclara le billet sérieux. Il consulta un registre spécial, contenant tous les renseignements pour faciliter dans la Babylone moderne la débauche des pudiques germains. Le nom s'y trouvait. Hermann le savait d'ailleurs fort bien. Le cycliste alors put, en toute confiance, faire sa course. Il partit gaiement, s'envola sur son vélo de toute la vitesse de ses jambes nerveuses. Comme il arrivait place Pereire, un cycliste chargé de journaux arriva obliquement à la même allure. Ce qui devait se produire ne manqua pas, rencontre, choc, bousculade et chute sur la chaussée. Ce qui devait également se produire eut lieu aussitôt, c'est-à-dire la formation d'un rassemblement. Mais ce qui fut étonnant, ce fut la présence de deux agents là où quelque chose se passait. C'était le seul point invraisemblable dans cette affaire admirablement préparée et mathématiquement exécutée, ayant absolument réussi. Toutefois, à Paris, on ne s'étonne de rien. On pensa, parmi les badauds accourus, le petit pâtissier, le garçon boucher et même le foxterrier, qu'on devait cette présence merveilleuse à une des quotidiennes circulaires de M. Laronce, le préfet de police, ordonnant aux agents de se trouver là où quelque chose se passe. On déclara cela très bien, tout en se disant que cette ordonnance aurait le sort des autres et ne durerait pas 2 jours. Mais pendant ce temps, l'un des agents avait relevé le petit cycliste, et bien qu'il se défendît, bien qu'il jurât qu'il n'avait rien de cassé, qu'il cria qu'on devait le lâcher, l'agent le tenait ferme et le porta d'autorité chez un pharmacien à 4 pas de là. L'autre agent verbalisait, prenait des notes sur son carnet, questionnait le porteur de journaux et finalement le laissait aller. Ce porteur de journaux, qui devait, à fond de train, se jeter sur la comtesse cycliste, la bousculer et lui-même rouler à terre, au risque de se casser la tête, n'était autre que Sidi. Sidi, naturellement, se releva sans mal. Je crois même que sa tête d'Algérien avait seulement écorné le rebord du trottoir contre lequel, dans l'élan, elle avait donné. Ce n'était pas grave, n'est-ce pas? Et Sidi put repartir à toute pédale en sifflant son « Pan, pan, larbi, les chacals sont par ici ». Sidi laissa Gabriel aller rejoindre le chef dans la pharmacie où Paulin Broca avait transporté le cycliste. Il va sans dire que Sidi, lesté à droit comme un singe, en se précipitant tel un bolide sur le cycliste brun, savait que cet enfant était une femme et qu'il s'arrangea, tout en le bousculant, en le faisant tomber pour le prendre dans ses bras, le recevoir sur lui dans sa chute et lui épargner tout mal. Quel dommage qu'on ait pu faire voir cela à Otto Friedenstrasse, et lui demandait d'établir une comparaison avec sa conduite au moment de la panique, quand il bousculait tout le monde et écrasait le cycliste contre la porte pour mettre plus vite en sûreté sa colossale personne. Mais, tandis que le cycliste criait qu'il n'avait rien et qu'il voulait s'en aller, la comtesse ne mentait pas, grâce à l'habileté de Sidi. En réalité, il ou elle n'avait rien. Cependant, cela ne semblait pas convaincre Paulin Broquet. « Quand on a fait une pareille chute, dit-il, on a toujours quelque chose. » Des fois qu'on s'en apercevrait par-dessus le moment, mais après dans la suite qu'on s'en repent. Et au pharmacien, d'ailleurs prévenu, et sachant fort bien qu'il avait affaire et quelle devait être sa conduite en la circonstance, il dit « Je vous en prie, regardez-moi ce petit bonhomme, et dites-moi s'il n'a rien de cassé dans les abatis et dans ce qui tient les abatis. » Le pharmacien se mit en devoir d'ausculter le cycliste, qui recommença de plus belle à se défendre et à se débattre, ne voulant pas se laisser toucher. Mais Paulin Broquet n'eut pas l'air de comprendre. « C'est le règlement, mon garçon, » dit-il. « Si que tu n'as rien de détérioré occultement, que tu t'en iras. » Il saisit le collet de la tunique du cycliste et d'un coup de main fit entièrement sauter tous les boutons de métal, découvrant la poitrine que recouvrait une chemise de femme des plus fines. Et sous la chemise se montrèrent 2 seins, qui, pour n'être pas volumineux, n'en étaient pas moins apparents et fort jolis. Paulin Broquet se mit à rire. « Que je vous le disais bien !» fit-il le pharmacien, que ce garçon-là s'est fait des bosses en tombant. Et il ajouta, regardant bien le cycliste, atterré, « Ah certes, un coup de parapluie de bon bourgeois parisien n'en produirait pas autant. » Le cycliste sursauta. « Paulin Broquet » s'écria-t-il. « Oui, comtesse, lui-même. » Alors la nature l'emporta, le cycliste redevint femme, il se trouva mal, perdit connaissance. « C'est ce qu'elle avait de mieux à faire, » dit Paulin Broquet. « Ça va nous éviter des pleurs, des cris, une inutile comédie. » À ce moment, une auto stoppa devant la porte. Paulin Broquet ayant agrafé la tunique de groom et ayant enveloppé la jeune femme dans une grande blouse de laboratoire prêtée par le pharmacien, l'enleva dans ses bras et la transporta dans l'auto. Il la déposa sur la banquette du fond. Lui se plaça sur celle de devant, puis la voiture, sans que le chauffeur, qui n'était autre que Sidi, eut reçu d'ordre, s'ébranla, comme nous savons que faisait une auto quand Sidi se trouvait au volant. Ce fut à l'Hôtel-Dieu que l'on conduisit la comtesse Groom. On lui donna un lit dans une chambre particulière, où deux hommes de la brigade, dûment prévenus, la gardèrent jalousement. Paulin Broquet est rentré chez lui, tout content de la réussite de cette affaire. Il finissait de dîner avec Gabriel quand son domestique lui remit une carte. « Le colonel de Fongrive ? » s'écria-t-il, fronçant le sourcil. « Nous étions contents, voilà les ennuis qui arrivent. »